Krishmani Austin, le seul Juan Apollo Orchestre, Nashuko Ambrosio, Contera Zero, le dieu de l'an 2000, Ivolo Kuchokera Abrahama, Nailai, le vieux chéri de Dallas, avec Papa Wemba. Yangwe Zalaka, Singana Kiro, La Tadoku, Elise, Kinuelo, Jengaka Yemba. La corde pour Vicky. Papa Rengos. Amour, amour, amour, amour, amour, amour. Ma chérie. Amour. Maison Crévaux. Les cahiers. Oh, bah, y'a goût, t'as quitté. T'as quitté, hein? Bobolo.